Le citoyen commença par retirer sa redingote et, sûr de la déférence des deux autres, écrivit la carte. Mais il eut beau se transporter de la cuisine pour parler lui-même au chef, descendre à la cave dont il connaissait tous les coins et faire monter le maître de l'établissement auquel il, entre guillemets, donna un savon, il ne fut content ni des mets, ni des vins, ni du service. À chaque plat nouveau, à chaque bouteille différente, dès la première bouchée, la première gorgée, il laissait tomber sa fourchette ou repoussait au loin son verre. Puis, s'accoudant sur la nappe, de toute la longueur de son bras, il s'écriait qu'on ne pouvait plus dîner à Paris. Enfin, ne sachant qu'imaginer pour sa bouche, Regimbard se commanda des haricots à l'huile, entre guillemets tout bonnement, lesquels, bien qu'à moitié réussis, l'apaisèrent un peu. Puis il eut, avec le garçon, un dialogue roulant sur les anciens garçons des Provençaux. Qui était devenu Antoine? Et un nommé Eugène. Et Théodore le petit, qui servait toujours en bas. Il y avait dans ce temps-là une chair autrement distinguée et des têtes de Bourgogne comme on n'en reverra plus. Ensuite, il fut question de la valeur des terrains de la banlieue. Une spéculation d'Arnoux, infaillible. En attendant, il perdait ses intérêts. Puisque ne voulait vendre à aucun prix, Regimbard lui découvrirait quelqu'un. Et ces deux messieurs firent, avec un crayon, des calculs jusqu'à la fin du dessert. On s'en alla prendre le café, passage du saumon, dans un estaminet, à l'entresol. Frédéric assista, sur ses jambes, à d'interminables parties de billard, abreuvées d'interminables chopes. Il resta là, jusqu'à minuit, sans savoir pourquoi, par lâcheté, par bêtise, dans l'espérance confuse d'un événement quelconque favorable à son amour.